الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف بإذن الله في هذه اللحظات القليلة حول كلمة أو القاعدة التي تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. Donc بإذن الله، on va parler sur la règle qui dit celui qui ne rend pas le mécréant mécréant est à son tour mécréant. C'est une règle qui s'est répandue autour de nous. On entend parler tous les jours. Et c'est vrai que j'ai eu des jeunes qui me disent à moi-même, si tu fais pas le takfir du cheikh, d'un tel cheikh, t'es un kafir, car le cheikh est un kafir. En parlant de cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Bon, c'est, bi'idhnillah, c'est un naqid, c'est un annulatif, parmi les annulatifs de l'islam, comme il l'a cité à Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab, c'est l'annulatif numéro 3, celui qui rend pas les mouchriquines, les idolâtres kuffar, ou qui doute sur leur mécréance, ou qui corrige leur voie, ou qui s'abstient de faire leur takfir est un kafir, comme elle le dit la règle. Mais cette règle, elle n'est pas générale, et on l'applique pas comme ça sur n'importe qui. À savoir que les catégories de kuffar sont plusieurs. La première des catégories, c'est al-yahoud ou al-nasara ou al-majus. C'est les kuffar de souche, al-kuffar al-asliyin, les kuffar comme les chrétiens, les bouddhistes, les idolâtres, les mouchriquins. Donc celui qui fait pas leur takfir est à son tour kafir à l'unanimité des savants. Celui qui fait pas leur takfir est un kafir. Ensuite, on a al-murtaddin, al-qism al-thani. On a al-murtaddin. Al-Murtaddin, c'est les apostats. Et dans cette catégorie, il y a plusieurs sous-catégories de Murtaddin. Donc, on a parmi les Murtaddin, من أتى بناقد من نواقد الإسلام المجمع عليه وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. هذا يكفر بإجماع. ومن لم يكفره فهو كافر. Donc, parmi la première catégorie des Murtaddin, donc celui qui a commis un annulatif de l'islam, qui fait l'objet d'un consensus, et les empêchements sont effacés et les conditions sont prouvées, donc cette personne-là est un kafir. Et celui qui s'abstient de faire son takfir, il devient à son tour un kafir. La deuxième catégorie de murtaddin, et normalement c'était la première, c'est celui qui déclare ouvertement son apostasie, comme quoi il passe de la religion de l'islam à une autre religion. Celui-là, à l'unanimité, c'est un kafir. Et celui qui doute sur sa mécréance, c'est un kafir. Ensuite, on a la quatrième catégorie, c'est من لم يكفر المرتكب لناقد لشبهة قامت عنده أو لاعتقاد أو أن الشروط لم تتوفر. Donc cette catégorie, la quatrième catégorie, c'est les gens qui font pas le takfir des tawarit. Donc ils font pas le takfir de certaines personnes qui sont tombées dans le kufr, mais ils estiment que ils ont une mauvaise interprétation, ou ils estiment que ils ont une shubha, que ces murtaddin sont des musulmans parce qu'ils font la prière, parce qu'ils construisent des mosquées. Donc ces gens-là ne sont pas mécréants. On fait pas leur takfir. Ou sinon, on va faire le takfir de tous les pays arabes, car ils rendent pas un tel dirigeant kafir. Ensuite, cinquième catégorie, c'est من لم يكفر الكافر لبدعة عنده كالمرجئ أو المعتزلي أو الكرامية أو الأشاعرة. Donc ces gens-là, on fait pas leur takfir. Ceux qui sont tombés dans une bid'a, donc les gens qui sont tombés dans l'égarement, comme Al-Murji'a, comme Al-Karramiya, comme plusieurs d'autres sectes, mais qui leur égarement ne mène pas vers le kufr, donc ces gens-là, on fait pas leur takfir. Ces gens-là, on fait pas leur takfir. Sinon, on aurait fait le takfir de toutes les sectes. Mais il y a certaines sectes, comme Al-Ahbaj, يعني طائفة كفر وردة يعني أحباش سي دي سيكت parmi les sectes d'égarement qui tombe dans le كفر البواح. Ensuite on a la question sur lesquelles les savants ils ont eu une divergence. comme la question de la prière. Donc, cette question-là, on ne rend pas la personne mécréante, car c'est une question de divergence, et il y avait certains sahabis, et les salaf notamment, ils ne faisaient pas le takfir des khawarij. Et la plus juste des paroles que c'est que les khawarij n'étaient pas koufar. Mais comme par rapport à l'Ayan, comme Al-Hajjaj, il y avait certains, comme Qatada, Mujahid, il y avait certains tabi'in qui faisaient leur takfir, et Ibn Sirin, d'autres tabi'in ne faisaient pas le takfir de Al-Hajjaj. Car ils voyaient que il n'y avait pas les conditions, il n'y avait pas le hujja, ou il y avait une shubha, donc ils ne faisaient pas le takfir. Mais entre eux, ils ne faisaient pas le takfir. Entre les salafs, ils ne faisaient pas le takfir parce que Mujahid ne faisait pas le takfir de Ibn Sirin, car Ibn Sirin n'a pas fait le takfir de Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Donc, cette question, il faut bien faire attention à cette question de takfir, ou à tassalsul fi takfir, car cela mène à faire la chaîne, c'est très très dangereux. ونذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Donc il faut faire très attention à cette question et à cette règle, et ne pas l'appliquer comme ça à tout le monde. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.